Émission hors série, Histoire 5. Bonjour et bienvenue à cette émission hors série de notre podcast. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, je vous présente la cinquième et dernière partie de l'audiolivre traitant de l'histoire de la paroisse de Saint-Camille en Estrie, au Québec. Mon grand-père et mon arrière-grand-père Martin y sont nés. Mais ce ne sont pas mes seuls ancêtres directs à y avoir vécu. En effet, mon arrière-arrière-grand-père Amable et mon arrière-arrière-arrière-grand-père Toussaint ont foulé le sol de Saint-Camille. Selon les documents trouvés, il semble que l'un et l'autre soient sur place dès 1853 avec leur famille. Toussaint a 58 ans, Amable en a 21. Ils arrivent de Saint-Timothée-de-Beauharnois. Toussaint avec sa femme Rose et quatre de ses enfants. Et Amable avec sa jeune épouse Rachel et leur bébé, Amable. Le premier acte découvert, démontrant que la famille est dans la région, est l'acte de mariage de Salomé, une fille de Toussaint et sœur d'Amable, avec Louis Ménard, le 26 octobre 1853, dans l'église de Wotton. Rappelons qu'il n'y a pas encore d'église à Saint-Camille à cette époque, et que celle de Wotton est la plus proche. Puisqu'il serait étonnant que le mariage se soit fait du jour au lendemain, je suppose donc que la famille est sur place depuis quelques mois. Toussaint voit les petites dernières se marier les unes après les autres dans l'église de Wotton, voit ses petits-enfants y être baptisés. Puis, en décembre 1856, il achète d'Ignace Bonhomme les lots 15 et 16 du rang 13 de Saint-Camille. En février suivant, il vend à François-Xavier Robitaille les lots 12 et 13 du même rang. En avril 1858, il fait don de ses lots 15 et 16 à son fils Amable, à la condition que celui-ci prenne soin de ses parents. Il y a dû y avoir un pépin quelque part, car en janvier 1860, il vend le lot 16 à Mathias Auger. Ce dernier ne fait ni un ni deux, il se tourne vers Amable et lui vend le dit lot. Lors du recensement de 1861, on apprend que Toussaint, Rose, sa femme, sa fille Catherine et la fille d'Amable, Rachel, vivent ensemble dans une maison à un étage sur le lot 15 du rang 13 de Saint-Camille. En septembre 1869, ils participent à une souscription pour le curé. Le 9 avril suivant, sa femme et lui dictent leur testament. Ça presse, car Rose décède quelques jours plus tard. Le 21 janvier 1871, Toussaint échange son testament pour un contrat de mariage. Le 24, il marie Clotilde Durand à l'église de Saint-Camille. Il a 75 ans. Elle en a 26. Il aura le temps d'avoir deux filles avec Clotilde à Saint-Camille avant d'être enterré le 17 avril 1874 dans le cimetière de Saint-Camille. Arrière-arrière-grand-père Amable, pour sa part, arrive probablement à Saint-Camille à la même époque que son père, bien que le premier document que j'ai trouvé le concernant soit le baptême de son fils, Toussaint, à l'église de Wotton, le 4 novembre 1854. Puis, il y a la naissance de mon arrière-grand-père François en 1856. En mars 1857, je vois qu'Amable vend les lots 9 et 10 du rang 14 de Saint-Camille à Louis Leclerc. En avril 1858, il reçoit en donation de ses parents les lots 15 et 16 du rang 13. En mai, la famille est à Valleyfield pour le baptême de la petite dernière. En septembre 59, Amable vend des terrains dans l'Amsud. C'est ensuite, en 1860, qu'il y a ce curieux tour de passe-passe concernant le lot 16 du rang 13. Lors du recensement de 1861, la famille habite une maison en bois, à un étage, sur le lot 16 du rang 13 de Saint-Camille, avec, pour voisins, François Robitaille et Toussaint Martin. Le 26 novembre 1861, Amable vend le lot 16 à Moïse Kenville. En 62, il achète un lot dans Walton en avril et, en juin, des mains de Zoël Miquelon, il acquiert le lot 5 du rang 11 de Saint-Camille. Lot qu'il revend le 24 octobre 1863. Il achète ensuite de la terre à Ham-Sud et à Ham-Nord. Lors du recensement de 1881, on le dit à Saint-Camille et on déclare son fils François comme chef de famille. Par la suite, Amable continuera à se promener, à acheter et à vendre des terrains dans la région et se retrouvera même en Ontario lors du recensement de 1891, mais, jusqu'à preuve du contraire, son séjour à Saint-Camille est terminé. Les éditions de l'Avenir présentent La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, curé. Édité à Montréal en 1908. Chapitre 4. Monsieur l'abbé Venant Charest, premier curé, 1869-1881. Monsieur l'abbé Venant Charest est né le 28 avril 1844 à Sainte-Anne-de-la-Pérade, comté de Champlain. Après un cours d'études au séminaire de Nicolet, il fut ordonné prêtre dans l'église paroissiale des Trois-Rivières en 1866. Nommé vicaire à Walton, il y demeura un an, puis un an à Saint-Norbert et un an à Nicolet. Le 1er octobre 1869, il recevait sa lettre de nomination à la cure de Saint-Camille. Il avait charge d'armes et le titre de curé, mais il était sans gîte. Il entra en pension chez M. F. Millette et s'occupa activement de la construction d'un presbytère. L'entreprise de cette construction a été donnée au rabais à M. Joseph Couture pour la somme de 199 $. Il fallait travailler ardument pour donner le plus tôt possible une résidence au curé. Les premières planches employées à cet ouvrage furent apportés au moulin et sciés le jour de la fête de la Toussaint. M. l'abbé Charest entrait dans le presbytère le 14 février de l'année suivante. Il déclare lui-même que la chapelle était une piètre construction et que le presbytère lui ressemblait en tout. Il ne voulait pas, pauvre curé, être mieux logé que le bon Dieu. Son ambition était d'avoir le plus tôt possible une église convenable et d'attendre indéfiniment pour un meilleur presbytère. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Le presbytère, toutefois, devint logeable par les ordonnances de l'évêque. Nous recommandons fortement aux paroissiens, disait Mgr Antoine Racine lors de sa première visite en 1876, d'ajouter une cuisine au presbytère actuel et d'y faire les réparations nécessaires à l'intérieur. Nous ordonnons, disait-il en 1879, de crépir le presbytère à l'intérieur et nous voulons que ces ouvrages soient complétés en septembre 1880. La chapelle, quoique nouvellement construite à l'endroit de l'église actuelle, était insuffisante et pauvrement décorée. Le nouveau curé devait donc cultiver une vigne digne du plus beau zèle. 696 âmes, dont 374 communiants, étaient confiés à sa sollicitude pastorale. Le tout formait 183 familles très pauvres. Le premier rapport présenté à l'évêque et la première reddition des comptes de la fabrique n'indiquent rien de brillant dans les recettes. 270,97 $ était la recette totale des comptes du sieur Louis Desilets, marguillé en exercice pour l'année 1871. Le montant des dépenses n'avait pas dépassé 235,20 $ et sur la recette, 40 $ étaient alloués au curé par la fabrique. La paroisse payait cette année-là une dîme de 162 $ à laquelle elle avait promis d'ajouter 25 $ de supplément. C'était juste pour apaiser les tourments de la faim. Pour la première fois, le 10 octobre 1869, les registres de la fabrique donnent le nom de M. l'abbé Charest. Ce jour-là, il administra le sacrement de baptême à 3 enfants. Il y eut la même année 47 baptêmes, 7 mariages et 4 sépultures. La première assemblée qu'il présida fut tenue pour l'élection de nouveau marguillier, M. Octave Geoffroy. Au mois d'octobre, il y eut érection d'un chemin de la croix par le révérend H. Hamelin, dont acte est signé par lui-même et le révérend Messire Charret. Le premier curé favorisa beaucoup les bonnes lectures en fondant, dès 1876, une bibliothèque paroissiale. Il fut heureux dans le choix des livres. Plusieurs volumes sont des livres de prix et très intéressants. C'est encore pendant le séjour de M. Charret à Saint-Camille qu'une partie de Watton fut annexée civilement à la paroisse de Saint-Camille. Mais voici une date mémorable pour la nouvelle paroisse de Saint-Camille. Une population de 867 âmes, formant 183 familles, ne pouvait trouver place dans une chapelle de 40 par 27. En 1879, il fallait commencer à construire une grande église. La nouvelle ne surprit personne. Monseigneur Racine l'avait déjà annoncé dans une ordonnance de la visite de 1876. Il avait même parlé d'une construction en pierre. M. l'abbé Charret avait préparé les voies sans retard. Les premières démarches ordinaires étaient faites. Au bonheur, il voyait ses efforts couronnés, les requêtes signées, les plans dressés et approuvés, les fondations creusées, la charpente dressée, les murs en briques s'élevés à l'égalité des châssis lorsqu'il fut nommé curé de Stoke et remplacé par M. l'abbé J.A. Lefebvre. De Stoke, il alla assistant à Whedon, où il publia l'histoire de cette paroisse et fut nommé ensuite missionnaire agricole. Tous ces faits parlent avantageusement de l'utile carrière de M. l'abbé Charret. Un de ses amis a fort bien exprimé les sentiments de tous ceux qui l'ont connu en disant « Ce digne prêtre a laissé dans la paroisse un souvenir ineffaçable. On parle de lui avec vénération. On vante son dévouement et on cite avec respect les années de ses fonctions curiales. » M. l'abbé Venant Charret, missionnaire agricole pour le diocèse de Sherbrooke. Dans une circulaire adressée au clergé le 4 septembre 1894, Sa grandeur, Monseigneur Larocque, évêque de Sherbrooke, écrivait « J'ai donné un remplaçant à M. l'abbé Masson, curé de Danville, dans la personne de M. l'abbé Charret. Les aptitudes et les connaissances de M. Charret le rendent tout à fait propre à remplir efficacement ses importantes fonctions de missionnaire agricole. Par le fait de sa nomination, il devient le seul conférencier agricole, consacrera tout son temps à la tâche dont il veut bien se charger à notre demande. » J'ai l'espoir qu'avec votre concours empressé, il réussira à faire tout le bien que nous espérons. » Et ce bien à faire était de vulgariser et de propager la science théorique et pratique de l'agriculture en répandant au milieu des populations de nos campagnes les meilleures méthodes et les saines notions agricoles. C'était de renseigner les cultivateurs sur les nouvelles découvertes et sur les résultats obtenus par les expériences faites ailleurs. C'était d'arrêter le courant d'émigration vers les villes et surtout vers les États-Unis, en enseignant l'art de bien cultiver, de faire une exploitation rurale avantageuse, propre à assurer une subsistance convenable. C'était de convaincre nos compatriotes que le sol canadien bien cultivé peut leur suffire si par un travail actif et intelligent, ils savent l'exploiter. M. l'abbé Charret a rempli sa tâche avec succès. Son nom est devenu célèbre dans les rapports des congrès et des comices agricoles. Il est juste que l'on rende hommage à son dévouement comme à celui de ses collègues, missionnaires agricoles qui, dans leurs efforts réunis, ont si largement contribué au progrès de la culture améliorée et au bien des habitants de la province de Québec. Chapitre 5. M. l'abbé Joseph Lefebvre, deuxième curé, 1881-1891. Il suffit de nommer les principaux faits accomplis pendant l'espace de 10 ans pour faire connaître combien a été remarquable le séjour du curé Lefebvre dans la paroisse de Saint-Camille. Les travaux de construction de l'église, commencés sous son prédécesseur, se continuèrent et furent terminés en 1881. Monseigneur Racine en fit la bénédiction le 22 décembre 1881. M. l'abbé Adolphe Barolet, curé de Saint-Janvier-d'Ouidon, chanta la première grand-messe dans la nouvelle église le jour de la bénédiction. Y assistaient messieurs les abbés H.C. Hamelin, curé de Watton, Georges Vaillancourt, curé à Saint-Georges, H. O. Chalifoux, secrétaire du diocèse de Sherbrooke, Joseph-André Lefebvre, curé à Saint-Camille, et un très grand nombre de fidèles. Monseigneur décrit ainsi la construction de la dite église. Cette église est construite en bois et revêtue en briques à l'extérieur et à l'intérieur. Sa longueur est de 90 pieds, la largeur de 47 pieds, la hauteur 84 pieds au-dessous des lambourdes. La sacristie a 30 pieds de longueur sur 25 de largeur. Cette église a été construite par M. Alexis Bellil de Wotton pour le prix de 3 200 $. Le jour même de la bénédiction, une résolution de messieurs les Marguilliers accordait à M. Bellil une somme de 350 $ pour poser la brique à l'intérieur de l'église et une couche de crépi. L'année suivante, le 6 janvier, le bureau de la fabrique décida de faire un jubé. Messieurs Napoléon Lemay et Joseph Couture eurent l'entreprise pour la somme de 550 $. Les galeries latérales furent construites par M. Napoléon Lemay en 1885 pour la somme de 500 $. L'entreprise de ces derniers travaux comportait un certain fini. Le plafond blanchi et les colonnes d'en bas boisées et enduites de deux couches de peinture. L'achat d'un harmonium, l'acquisition des statues de Sainte-Anne et de Saint-Joseph, les trois autels, un nouveau chemin de croix, le plafonnage des galeries et du jubé sont des œuvres dues au zèle et à l'activité de M. l'abbé G.A. Lefebvre. Mais ce que M. le curé Lefebvre considère lui-même à bon droit comme son œuvre, c'est le presbytère actuel. Voici ce qu'il écrivait en 1886 au sujet de la construction du nouveau presbytère dans le livre des documents à conserver. Le 13 juin 1886, dans une assemblée de fabrique, nous avons donné l'entreprise d'un nouveau presbytère à messieurs Napoléon Lemay et Joseph Couture, tous deux de cette paroisse, pour la somme de 1 900 $. Les travaux commencèrent le lendemain et furent exécutés à la satisfaction de toute la paroisse. Un bazar fut fait dans le presbytère en construction le 4 octobre et les jours suivants. Il donna une recette très satisfaisante, ce qui nous fut d'un grand secours pour payer les dépenses imprévues. Une fournaise à air chaud fut placée dans la cave par M. Joseph Picard, ferblantier de cette paroisse, et coûta la somme de 142 $. Le 1er février 1887, le curé de la paroisse, J.A. Lefebvre, entra dans son nouveau presbytère. La bénédiction eut lieu privément le même jour. Ainsi, dans l'espace de 7 mois, il s'est fait un presbytère dans Saint-Camille qui est certainement un des plus beaux du diocèse. 2 mois après avoir écrit ce document, M. le curé Lefebvre signait la constitution d'une rente viagère annuelle et la fondation de 2 messes basses à perpétuité en faveur de M. l'abbé J.R. L. Hamelin, prêtre chapelain, qui était mourant à l'hôpital général de Québec. Il recevait en retour 1 000 piastres, un calice, un ciboire et des burettes en argent doré, puis il appliquait cet argent à payer la dette du presbytère. Aujourd'hui, 1901, la rente viagère n'est pas encore éteinte. La fabrique paie encore annuellement 100 $ à M. l'abbé Hamelin, pensionnaire de l'hôpital général de Québec, et lui paiera 2 messes basses à perpétuité. Au départ de M. le curé Lefebvre de la paroisse de Saint-Camille, la fabrique n'avait qu'une dette de 350 $ pour un lot de terre de 4 acres acheté à M. Édouard Geoffroy, destiné à remplacer celui qui avait été vendu à M. le docteur A. Thibault. Ce fut le 1er octobre 1891 qu'au milieu des regrets des paroissiens de Saint-Camille, il se dirigea vers Sherbrooke-S pour en être le 2e curé. 3e curé, M. l'abbé Luc-Alphonse Lévesque. Chapitre 6. Le conseil de la fabrique. Le conseil de la fabrique a été formé le 21 mai 1867. Une seule répartition légale a été faite. C'était en 1880 pour payer les frais de la construction de l'église au montant de 3 200 $. Une autre au montant de 800 $ pour donner à l'église une couverture métallique est maintenant projetée. Les autres travaux de construction tels que le parachèvement de l'église à l'intérieur, des 2 presbytères, l'un en 1884 et l'autre en 1904, et leurs dépendances ont été payées par l'œuvre et fabrique tout aussi bien que les 2 lots de terre qu'elle possède. La générosité ne manque pourtant pas. Les paroissiens ont donné beaucoup par souscription volontaire. Le tableau de Saint-Camille, les dalmatiques en drap d'or, un des riches, une crèche complète d'enfants Jésus, la statue de Notre-Dame de Pitié, une bannière de la Sainte Vierge, la statue du Sacré-Cœur, celle de Saint-Joseph, ont été payées par les contributions volontaires des paroissiens et nous sommes heureux de les féliciter et de les remercier ici. Le 16 janvier 1868 a été nommé le premier corps de fabriciens. 8 ont été nommés du même coup, 5 pour les anciens et 3 nouveaux. Messieurs Toussaint-Martin, Pierre Roy, Olivier Longval, Octave Belle-Rose et Jean-Baptiste Golbout furent anciens marguilliers. Les premiers en exercice furent Louis Boisclair, Octave Manceau et Georges Darvaux. Les autres fabriciens, Octave Geoffroy, Antoine Devin, Jérôme Longval, 1869, Joseph Couture, 1870, François Saint-Jean, 1871, Louis Roy, 1872, Ignace Pinard, 1873, Jean-Baptiste Godbout, 1874, Olivier Marchand, 1875, Cléophas Longval, 1876, Adrien Geoffroy, 1877, Georges Beaubien, 1878, Toussaint Côté, 1879, François Arpin, 1880, François-Xavier Boutin, 1881, Joseph Côté, 1882, Eudéric Pinchot, 1883, Thomas Audy, 1884, François-Xavier Couture, 1885, Moïse Wattier, 1886, Édouard Charland, 1887, Charles Boutin, 1888, Joseph Bell, 1889, Zéphirin Godbout, 1890, François-Xavier Huppé, 1891, Léon Reich, 1892, Arsène Richard, 1893, Daniel Devin, 1894, Évariste Desilets, 1895, Léon Lemelin, 1896, Antoine Forgue, 1897, Délia Belle-Rose, 1898, Olivier Darvaux, 1899, Isidore Lapointe, 1900, J.H. Crépeau, 1901, Oscar Desilets, 1902, Narcisse Marchand, 1903, Luc Génaud, 1904, Moïse Manceau, 1905, Joseph Lefebvre, 1906. Chapitre 7. Visite épiscopale. Première visite épiscopale à Saint-Camille. Deux visites de Mgr F.L. Laflèche. La première visite épiscopale à Saint-Camille a eu lieu dans l'après-midi, le 31 mars 1867, et s'est terminée le lendemain à midi. Nous y avons, dit Mgr Laflèche, évêque d'Antédon, administré le sacrement de confirmation à 94 personnes. Cette paroisse qui vient d'être organisée est encore peu avancée et la chapelle tout à fait insuffisante pour sa population. Mais comme les paroissiens n'attendent que le temps où ils pourront le faire pour demander la permission de bâtir, nous croyons qu'il est inutile de leur faire ici une ordonnance. Mgr Laflèche fait une autre visite pastorale avant l'érection du diocèse de Sherbrooke. C'était le 6 juillet 1873. Il confirma 118 personnes. Il fit observer dans le rapport de cette visite qu'il serait nécessaire d'entreprendre avant longtemps la construction d'une chapelle plus grande pour répondre aux besoins de la population. Visite de Mgr Antoine Racine. La première a eu lieu le 19 juillet 1876. 51 confirmés. La deuxième a eu lieu le 1er juillet 1879. 51 confirmés. La troisième a eu lieu le 20 juin 1882. 142 confirmés. La quatrième a eu lieu le 14 juin 1885. 94 confirmés. La cinquième a eu lieu le 19 juin 1888. 103 confirmés. La sixième a eu lieu le 21 juin 1891. 77 confirmés. Visite de Mgr Paul Larocque. La première a eu lieu le 7 juin 1894. 93 confirmés. La deweième a eu lieu le 4 juin 1897. 100 confirmés. La troisième a eu lieu le 29 mai 1900. 95 confirmés. La quatrième a eu lieu le 25 mai 1903. 91 confirmés. Dans nos campagnes du Canada, la visite pastorale de nos seigneurs les évêques est une bien belle fête. Chaque famille la chaume avec bonheur. Les habiles décorateurs mettent de l'empressement et du zèle à en faire les préparatifs. c'est autant la reconnaissance que le respect et la confiance qui animent nos populations en cette circonstance. Un ou deux enfants de presque toutes les familles vont recevoir des mains de l'évêque le sacrement de confirmation. La faveur est grande et doublement appréciée par les parents et les enfants. La visite de l'évêque est donc accueillie avec respect, confiance et amour par nos populations. Elle voit en lui l'autorité divine de l'Église, un digne successeur des apôtres. Ceci s'explique par la foi de notre peuple canadien et par la dignité personnelle de tous nos évêques. La foi du peuple est restée vive dans nos campagnes, et de Monseigneur de Laval au dernier évêque consacré, la dignité de l'épiscopat s'est noblement transmise. Aussi, quelle démonstration de foi chez notre peuple en présence de l'évêque. Dans quelle dignité leur apparaît ce premier pasteur qui les visite. Le peuple, instantanément, se prosterne pour recevoir sa bénédiction. Il est déjà béni, il veut encore l'être. Il reçoit sa parole comme la parole de paix dictée par la sagesse divine. Le trône dans l'église paroissiale, les ornements pontificaux, la solennité des offices, la suite de l'évêque, le concours des fidèles, les appels au devoir chrétien et à la pénitence, l'administration des sacrements. Tout, en même temps, révèle la grandeur, la dignité de la mission d'un évêque. Le peuple comprend cela. Et c'est encore que l'évêque gère au nom de l'Église universelle les biens et la propriété ecclésiastique dans son diocèse, qu'il s'occupe de l'administration des sacrements et de l'état des âmes, du bien-être de ses sujets, auxquels il se livre tout entier, travaillant incessamment et toujours pour qu'ils aient la paix, le bonheur et le salut. Tel est le caractère de la visite épiscopale, quel que soit le diocèse en Canada. Puissent les générations futures conserver ces traditions chrétiennes de foi et de respect que nous voulons leur transmettre. Chapitre 8. Les cimetières. La vie, quelle qu'elle soit, finit par la mort. Souvent, hélas, la mort frappe à nos portes. Tour à tour, au foyer, chez les amis, chez les parents, elle choisit des victimes. Son cortège funèbre ne nous quitte pas. Et la cruelle, en séparant l'âme du corps, en brisant les liens de toutes les amitiés terrestres, opère un dépouillement complet. L'homme n'est plus l'homme quand elle a frappé. Sa personnalité disparaît. Son prestige, sa sensibilité, son action, sa puissance cessent. Et l'on voit, à la lumière de la révélation, l'âme franchir le seuil de l'éternité, subir les jugements de Dieu, recevoir les châtiments ou les récompenses éternelles. Ce nouvel état de nous-mêmes, on le conjecture, on sait qu'il existe, on y croit même, mais comment l'éprouver sans mourir? Aussi, personne n'est indifférent à l'inévitable et mystérieux fait. Les saints le méditent. Les philosophes scrutent cette émouvante pensée de l'invisible et de l'incertain. Chacun calcule avec stupeur les instants qui l'approchent de l'éternité. Et toujours, nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. C'est donc une étrange disposition de l'esprit que de désirer trop ardemment la mort. C'est une vanité téméraire que de l'appeler une grâce, une faveur, une délivrance dans les angoisses, les contrariétés. C'est un manque de confiance excessif que de la redouter et de vouloir l'éloigner comme un malheur. L'âme n'a qu'un maître, Dieu. Elle doit se fier à lui et se convaincre que ses jugements diffèrent de nos impressions. Dès que la mort frappe, elle rend le corps froid, rigide et inerte. Il n'est plus qu'un objet d'horreur pour les vivants. Ceux-ci le portent en terre où il est trois fois enseveli, dans un linceul, dans un cercueil, dans une fosse. Et toujours ainsi, tout fini jusqu'à la résurrection. Si nous le voulons, mettons un monument sur la tombe, recouvrons-la d'emblèmes et de fleurs, ou laissons-la déserte et sans indication, regrettée ou non, oubliée et délaissée, le corps ne sera toujours qu'un trépassé, un disparu, un enseveli dans la poussière. Toujours, l'endroit du dernier repos nous fera dire « C'est le lieu de l'ultime sommeil, c'est le cimetière. » Les cimetières de Saint-Camille. Depuis 56 ans, 4 cimetières ont été ouverts pour recevoir la dépouille mortelle des défunts de Saint-Camille. Le premier, dit cimetière du Moulin Barlot, fut démarqué par le révérend Calixte Marquis, vicaire à Saint-Grégoire, et fut béni par le révérend M. Bégin, desservant de Garby, 1851. Le deuxième, situé près de la première chapelle, sur le 42e lot dans le 12e rang, fut béni par le révérend M. Duhaut en 1853. Le 6 octobre 1873, les cadavres furent exhumés de ces deux cimetières et transportés dans le cimetière actuel près de la nouvelle église, sur le lot 19 du 11e rang. Enfin, à 32 ans de cette date, au mois d'octobre 1905, on ouvrit un nouveau cimetière sur la terre de la fabrique, à 10 arpents de l'église. La première sépulture a été celle d'un enfant de 3 mois, Ludgé Lemay, fils de M. Herménégide Lemay, un des propriétaires du moulin du village. Annette Dervaux, âgée de 17 ans, y fut inhumée le 9 novembre. Son père, Olivier Dervaux, décéda peu après. Il fut inhumé le 22 décembre. Ce sont les deux premières personnes âgées qui reçurent la sépulture dans ce nouveau cimetière. Il est maintenant un joli lot de terre, ce cimetière nouveau. Sa surface est unie et inclinée vers la grande route de Dodsoil à Saint-Camille. La croix s'élève grande et majestueuse, portant le Christ au milieu des 4 sections faites par les allées principales. La terre est profonde. L'égout du sol est parfait. Il est entouré de fossés larges et profonds, disposés en drains de pierre. Sa largeur à 140 pieds et sa longueur 540. Il est impossible de faire la narration complète de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui s'est fait pour choisir l'emplacement de ce nouveau cimetière. Jetons sur le passé le voile de l'oubli et disons seulement qu'il a fallu plus de 3 ans pour en venir à une décision. Comme la loi l'exige, le bureau d'hygiène manda à Saint-Camille le docteur Baudry, inspecteur des cimetières. 3 fois, il parcourut la paroisse en tous sens. À la demande des intéressés, il visita 15 lots de terre dont la plupart étaient impropres au choix d'un cimetière. Le seul emplacement vraiment qualifié était offert par M. Ernest Gouin pour une somme assez ronde, 400 $. Mais il était à 40 arpents du village. La majorité des paroissiens, pour cette raison, n'en voulaient à aucun prix. Ils y portèrent peu d'attention. Dès que M. le docteur Baudry eut fait son rapport, le bureau d'hygiène recommanda 3 emplacements à proximité du village, le premier sur la terre de la fabrique, le deuxième sur celle de M. Octave Geoffroy, le troisième sur celle de M. J.H. Crépeau. M. Geoffroy et M. Crépeau ont leur propriété en face l'une de l'autre, séparées par la route de Saint-Camille à Watton. Les 2 emplacements en vue n'étaient pas en tout dissemblables. Ils contenaient 3 arpents de terre solide et une pointe de terre marécageuse d'un arpent. Les prix demandés étaient exorbitants, l'un 1 000 $ et l'autre 800 $. Sur tous ces emplacements, il y avait à faire des améliorations coûteuses et considérables. L'emplacement sur la terre de la fabrique offrait plus d'avantages à la paroisse. L'œuvre et fabrique le mettaient à sa disposition et ne réclamèrent rien. La seule condition était qu'elle aidât à faire les améliorations voulues. Il va sans dire que chaque emplacement avait ses partisans. Le parti faible de la paroisse était divisé, d'ailleurs, comme toujours, et luttait avec ardeur pour son propre désavantage. Il voulait faire payer à la fabrique l'achat et les améliorations d'un emplacement discrédité et impropre. La majorité ne s'en laissa pas imposer. Elle choisit l'emplacement de la fabrique. L'autorité diocésaine approuva, et maintenant, tout le monde s'en réjouit. Chapitre 9. Vocation religieuse. Prêtre né à Saint-Camille. Courte notice biographique sur chacun d'eux. 1. Monsieur l'abbé Joseph-Dominique Collier-Godin, né le 27 mars 1859 à Saint-Camille, comté de Wolfe, fils de Dominique Godin et de Marie Geoffroy. Fit ses études au séminaire de Sherbrooke, ordonné le 17 février 1883. Vicaire à Mansonville et puis curé en 1884. Prêtre assistant à Sacré-Cœur de Stansted. 1886, curé de Saint-Élie d'Offord en 1902, curé de Saint-Camille-le-Courchir où il est encore en 1908. 2. Monsieur l'abbé Ladislav Octave Geoffroy, né le 17 janvier 1865 à Saint-Camille, comté de Wolfe, fils d'Octave Geoffroy et d'Émilie Lambert, fit ses études au séminaire de Sherbrooke, ordonné le 15 août 1889, professeur au même séminaire en 1890, exerce le ministère aux États-Unis, maintenant curé de Three River, Massachusetts. Il fait un voyage en Europe de février à juillet 1908. 3. Monsieur l'abbé Eugène Saint-Jean, né le 7 septembre 1867 à Saint-Camille, comté de Wolfe, fils de François Saint-Jean et d'Adeline Casavant. Fit ses études au collège de Joliette, ordonné le 8 mai 1892. Vicaire à la cathédrale de Sherbrooke, 1897, curé de Saint-Roch d'Offord, où il est encore aujourd'hui. Religieuse née à Saint-Camille. Chez les Sœurs de la Providence, Montréal. Sœur Clémence Utichienne Belle-Rose, fille de Delia Belle-Rose et de Émilie Couture, née le 15 décembre 1867. Entre au monastère le 25 mars 1892, un missionnaire 10 ans à Winooski, Vermont, revient à la maison mère où elle demeure actuellement. 2. Chez les sœurs de la Congrégation Notre-Dame à Montréal. Sœur Lebel, Melvina Morin, entre au monastère en 1890, est à la maison mère d'abord, puis missionnaire à la Pointe-Saint-Charles à Ottawa et à Cornwall, Ontario. 3. Chez les sœurs de la Charité du Bon Pasteur d'Angers à Montréal. Sœur Marie de Saint-Antonin, entrée en 1895, un missionnaire 5 ans à Lorette, Parc Laval, Montréal, puis demeure à la maison mère. Sœur Marie de Sainte-Candide, Anna Morin. Comme les deux précédentes, fille de Isidore Morin et de Marie-Adéline Lagrandeur, entrée en 1895, un missionnaire à Saint-Hubert, comté de Chambly, Montréal. 4. Chez les sœurs de l'Assomption Nicolet. Sœur Marie de Lagarde. Pamela Longval, fille de Louis Longval et de Émilie Boisclair, entrée le 26 septembre 1898, professe le 21 août 1900, missionnaire à Saint-Thomas-de-Napierville, Saint-Guillaume, L'Avenir, Warwick, en 1905 à Nicolet, puis missionnaire à Louisville et Sainte-Monique. 5. Chez les sœurs de Saint-Joseph à Saint-Hyacinthe, sœur Saint-Camille de Lilly, Adélia Reich, fille de Napoléon Reich et de Sarah Lebel, entrée en novembre 1906. 6. Chez les Sœurs de la Charité à Saint-Hyacinthe, Sœur Désilet, Alice Désilet, fille de Oscar Désilet et de Ludivine Gervais. 7. Chez les Sœurs du Précieux Sang, Sherbrooke, Sœur Marguerite Marie, Georgiana Geoffroy, fille de Adrien Geoffroy et de Narcisse Lambert, entrée en 1906. Chapitre 10. La patrie. Aimons notre terre chérie, riche d'espoir en l'avenir. Vivons pour Dieu, pour la patrie, gardons d'antan le souvenir. Jouissons du brillant héritage, des biens si chers à nos aïeux. Vive leur foi, leur grand courage et toutes les vertus des cieux. Écoute la voix qui t'appelle, jeune, vaillant peuple de foi. Si tu ne veux être rebelle, suis ton chemin, garde la loi. Du ciel invoque les lumières, n'abandonne rien au hasard. Que sur les monts, plaines, rivières, honoré soit ton étendard. Que sur ton sol, faveur bénie, accourent les peuples divers, qu'ils y répandent l'harmonie, comme les chants dans l'univers. Note. Le canton de Watton. Saint-Camille et Watton formaient une seule municipalité. 5 ans. En vertu de la loi 18V, CH 100, le canton de Watton avait été érigé en municipalité le 1er juillet 1855. La première réunion du conseil eut lieu le 5 août 1855. Olivier Longval fut conseiller pour la division de Saint-Camille. Pierre Roy le remplaça en 1858. Le canton de Saint-Camille érigé en municipalité. C'est le 4 mai 1859 que le canton de Saint-Camille fut érigé en municipalité. Les 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e rangs du canton de Watton constitueront un canton ou municipalité séparée sous le nom de canton de Saint-Camille. 22V, CH 68, sectionné le 4 mai 1859. Annexion. Tous les lots, depuis le numéro 65 inclusivement, jusqu'au lot numéro 76 aussi inclusivement dans chaque rang 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, ainsi que les lots depuis le numéro 65 inclusivement jusqu'au numéro 70 aussi inclusivement du 7e rang du canton de Watton, paroisse de Saint-Hippolyte. 43-44B, CH 34, sanctionné le 24 juillet 1880. À tout ce qui précède, on ajouta, pour former la paroisse, 3 rangs, les 9e, 10e et 11e de Dodwell. Le 9e a été repris par la paroisse de Saint-Adolphe en 1903. Les terres du canton de Saint-Camille. Le canton de Saint-Camille, proprement dit, est une pointe de terre de petite dimension, détachée du canton de Watton. Il a été arpenté et divisé en lots par l'arpenteur de Gendre. Sa forme anormale est celle d'un plan incliné. L'arpenteur a fait 3 rangées de lots de 20 sur 3 arpents et une autre rangée de lots ayant la même largeur mais dont la longueur varie suivant la ligne d'intersection entre le canton de Dodwell et celui de Saint-Camille. Cette 4e rangée est très incomplète, elle est formée de boue et d'abous. C'est une anomalie de paroisse qui incommode les payeurs de taxes et affecte le contrôle efficace de l'instruction dans les écoles. Paroisse de Saint-Camille. Décret du 21 mars 1867. Proclamation du 28 juin 1867. Comprenant certaines parties des cantons de Watton, Stoke et Dodwell, comprendra une étendue de territoire d'environ 6 000 de front sur environ 10 000 de profondeur, bornée comme suit. Au sud-ouest, par la ligne qui sépare le 13e rang du 14e rang du canton de Stoke, depuis le lot numéro 1 jusqu'au numéro 17 inclusivement. Au sud-est, par la ligne qui sépare le lot numéro 17 du lot numéro 18 du 14e rang du canton de Stoke et par la ligne qui sépare le 8e rang du 9e rang du canton de Dodwell. Au nord-ouest, par la paroisse de Saint-Hippolyte de Watton et la ligne qui sépare au sud-est le 1er, le 2e et la moitié du 3e rang de la paroisse de Saint-Urbain de Windsor avec la partie adjacente du canton de Saint-Camille et d'avec le premier lot du 14e rang du canton de Stoke. Au nord-est, par la ligne qui sépare les 9e, 10e et 11e rang du canton de Dodwell, avec celui de Whedon, et les 9e, 10e, 11e, 12e et 13e rang du canton de Watton, avec le canton de Ham-Sud, et la ligne qui sépare le 14e rang du canton de Watton avec le canton de Ham. Annexion. Décret du 15 décembre 1873, proclamation du 23 juin 1879. Tous les lots depuis le numéro 65 jusqu'au numéro 73, le premier et le dernier inclusivement, dans chacun des rangs 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, et de tous les lots depuis le numéro 65 à 70, tous deux inclusivement, dans le 7e rang du canton de Watton, de manière que la dite paroisse de Saint-Camille comprenne désormais le territoire et les lots suivants, savoir, premièrement, de tout le canton de Saint-Camille sans exception. Deuxièmement, de tous les lots depuis le numéro 65 jusqu'au numéro 76, tous deux inclusivement, dans chacun des rangs 2e, 3e, 4e, 5e et 6e du canton de Watton, et de tous les lots depuis le numéro 65 jusqu'au numéro 70, tous deux inclusivement, dans le 7e rang du dit canton de Watton. Troisièmement, de tous les lots dans le 14e rang du canton de Stoke, depuis le lot numéro 1 jusqu'au lot numéro 17, tous deux inclusivement. Quatrièmement, de tous les lots dans les rangs 10e et 11e du canton de Dodwell, depuis le lot numéro 6 jusqu'au lot numéro 28, dans chacun des 10-2 rangs, ces deux lots inclusivement, et de tous les lots dans le 9e rang du 10 canton de Dodwell, depuis le lot numéro 7 jusqu'au lot numéro 28, tous deux inclusivement. Et la dite paroisse ainsi formée par l'annexion des 10 lots de terre détachés de Saint-Hippolyte de Wharton sera bornée au sud-est par la ligne qui sépare le 8e rang du 9e rang du 10 canton de Dodwell et par la ligne de division entre les lots numéro 17 et 18 dans le 14e rang du canton de Stoke. Au sud-ouest, par la ligne qui sépare le rang 13e du rang 14e du 10 canton de Stoke, depuis le point de division des lots numéro 17 et 18 jusqu'à la ligne sud-est du canton de Windsor, et aussi en partie par la ligne nord-est du canton de Windsor. Au nord-ouest, partie par la ligne sud-est du canton de Windsor, partie par la ligne qui sépare les lots numéro 64 et 65 dans chacun des rangs 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e du canton de Wharton, et partie par la ligne qui sépare le 14e rang du canton de Saint-Camille, des 15e et 16e rangs du dit canton de Wharton. Au nord-est, partie par le canton de Ham, partie par le canton de Ham-Sud, est parti par le canton de Whedon. Les recensements. Année 1875. Mission de Ham-Sud et Saint-Camille. 252 familles à Ham-Sud, 750 familles à Saint-Camille. 1022 âmes. 1882. 183 familles, 1030 âmes. 1891. 210 familles, 1100 âmes. 1894, 209 familles, 1107 âmes. 1905, 256 familles, 1262 âmes. 1907, 236 familles, 1176 âmes. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté La paroisse de Saint-Camille, comté de Wolfe, province de Québec, par l'abbé Luc-Alphonse Lévesque, lu par Christian Martin. La musique est puisée dans le folklore québécois et appartient au domaine public. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons et est une production 2010 des Éditions de l'Avenir. Merci de votre attention. À bientôt. Tiré de la version audio du Progrès de l'Est, on s'intéressera aujourd'hui au patronyme Gagnon. Sa première apparition est dans un billet intitulé « Apprenez à écrire » de l'édition du 1er septembre 1883. On y critique l'écriture de Ferdinand Gagnon de Worcester. Nous avons lu dans un journal de la province de Québec que M. Ferdinand Gagnon, rédacteur administrateur de Le Jean-Baptiste, publié à Worcester, Massachusetts, cédant à de pressantes sollicitations, allait employer une année de sa vie à écrire l'histoire des congrégations religieuses aux États-Unis. Certes, un homme auprès duquel on fait de pressantes sollicitations pour écrire une histoire quelconque doit être un littérateur distingué. Pour en juger, nous nous sommes procurés un numéro du Jean-Baptiste. C'était le numéro du samedi 18 avril 1883. Pour commencer, nous trouvons à la première colonne de la seconde page la rectification d'un anachronisme effrayant que le rédacteur voudrait attribuer à une erreur typographique. Il s'agit de l'invention de l'imprimerie par Jean Gutenberg, que l'on fait remonter en 1600, tandis que ce grand génie a livré les merveilles de son esprit inventif en 1438. Est-il vraiment possible qu'un typographe soit assez étourdi pour changer 1438 en 1600? À d'autres maintenant. Nous continuons notre lecture et nous y trouvons des phrases comme celle-ci. Donnez quelques années de couvent à leur fille. Avez-vous jamais reçu quelques années de couvent, chère lectrice? Et pourriez-vous nous dire si cela se donne à la pinte, au minot ou à la verge? Est-ce solide ou liquide? En voici une autre. La vertu de l'obéissance. Pour la vertu d'obéissance. Rallier le soutien des catholiques. Il nous semble qu'il serait plus français de dire gagner l'appui des catholiques. Vient ensuite un « et d'ailleurs » qui commence un membre de phrase avant que celui qui précède soit fini. Il nous semble qu'avant d'être historien, il faut commencer par apprendre les dates historiques et surtout apprendre à écrire correctement sa langue. Un puriste. Le deuxième gagnon apparaît dans la rubrique « Sherbrooke PQ » de l'édition du 8 septembre 1883. On parle de l'arrivée des nouveaux professeurs au séminaire Saint-Charles-Borromée. La rentrée des élèves au séminaire Saint-Borromée a été nombreuse. Ce bel établissement, nouvellement agrandi, faisait plaisir à voir dans sa nouvelle toilette à l'intérieur. Les élèves arrivaient enchantés d'habiter ce palais de l'éducation et leurs figures rayonnaient de bonheur en revoyant leurs maîtres affectionnés. Le personnel enseignant s'est accru de deux professeurs nouveaux. Ce sont M. l'abbé Mathieu, professeur de théologie, ancien curé de Saint-Cajetau de Potonne, et M. l'abbé Gagnon, ordonné prêtre depuis, le 8 juillet dernier, comme professeur de belles-lettres. Ferdinand Gagnon est de nouveau mentionné dans cette troisième apparition du patronyme, tirée de l'édition du 15 septembre 1883. S'il s'agit du même Ferdinand Gagnon que celui critiqué plus tôt, on a sans doute eu droit à quelques explications. Monsieur Ferdinand Gagnon, rédacteur du Travailleur de Rochester, est venu nous serrer la main en passant à Sherbrooke. Monsieur Gagnon venait de conduire ses demoiselles au couvent de Saint-Hyacinthe et était de passage dans notre ville, en route pour la patrie, où sa famille est établie. Dans l'article consacré à Disraeli, le 22 septembre, on mentionne Joseph Gagnon, forgeron de l'endroit, ainsi que Charles Gagnon, un des fondateurs de la colonie. Disraeli. Tel est le nom de la nouvelle municipalité, érigée le 1er janvier dernier et comprenant partie des cantons de Garbey et Stratford, sur les bords enchanteurs du lac Elmer, le long de la ligne Québec central, à environ 20 lieues de Sherbrooke. Il y a 5 ans, c'était la forêt vierge. M. Horace Morin y a bâti alors le premier arbre pour construire la maison dans laquelle je reçois aujourd'hui avec tant de confort le public voyageur. Il y a une fort jolie gare et il s'y transige déjà beaucoup d'affaires. Parmi les marchands, on compte messieurs Joseph Rowe, F.L. Derry, Étienne Adam, L.P. Amiotte, qui est aussi juge de paix et commissaire de la Cour supérieure, Joseph Marceau, Clovis Barry et Hospice Lemieux. Tous paraissent tirer leur épingle du jeu. Le maître de poste est monsieur Joseph Rowe, un fort aimable jeune homme, des plus intelligents. Il y a aussi un boulanger dont le pain ferait pâlir celui de plusieurs boulangers de nos villes. M. Jules Hénouf. Le forgeron local est M. Joseph Gagnon. Par contre, il n'y a pas encore d'homme de profession dans cet heureux coin de terre. Ni médecin, ni notaire, ni avocat. À la rigueur, ces braves gens peuvent se passer du notaire et de l'avocat, mais le médecin, on sait que c'est un mal nécessaire. Avis donc aux jeunes esculapes en voie de chercher fortune tout en soulageant la pauvre humanité. Il y a de l'argent à faire dans cette profession à cause de l'importance de ce centre et de l'éloignement des autres. La population actuelle est de 600 âmes et le flou grandit toujours grâce aux avantages variés qu'on y trouve. On est à construire une jolie grande chapelle et, à l'automne, il y aura un curé résident. Actuellement, la mission est desservie par M. l'abbé Dubé de Garbey. Il y a 2 scieries assez considérables. Celle de M. A.S. Ménard, autrement dit l'ami Sorel, qui reçoit si bien et si cordialement, ainsi que son aimable famille, ceux qui lui font l'honneur d'une visite. Il emploie 15 d'hommes à l'année et paie environ 300 $ de gage tous les 15 jours. Il y a aussi un moulin à farine dans son établissement. Il ne s'y trouve encore qu'une moulange, mais il doit en installer une autre sous peu. M. Ménard fabrique le bardeau, le madrier et la planche. Tout marche avec activité. Le pouvoir d'eau est l'un des meilleurs de nos cantons. L'autre scierie appartient à M. Octave Champoux de Stratford. Elle est conduite par M. Jean Champoux, son fils, maire de l'endroit. On y fabrique la latte, le bardeau, etc. et on y emploie 12 hommes à l'année. Reste le moulin de M. Louis Picard, français, lequel n'étant plus que le vent de la bonne fortune qui finit toujours par souffler dans ce charmant petit pays. Le conseil municipal actuel est composé comme suit. Messieurs Jean Champoux, Mère, Alexis Gagnon, Joseph Mercier, Joseph Rowe, Ferdinand Brousseau, Paul Fauché, Étienne Adam, conseiller. M. Onésime Roy remplit avec zèle et intelligence la charge de secrétaire trésorier. L'hôtel de Messieurs H. Morin et fils est tenu sur un excellent pied. On y mange avec appétit et on y boit encore mieux. Le père Morin, comme on l'appelle, fait des choses à la canadienne et, chez lui, on en a pour son argent. Dans le lointain, au nord de la baie, qu'on appelle le Black Creek, on aperçoit la jolie villa et les dépendances de M. A. Torsenent, cultivateur modèle, qui a eu la bonne idée de s'éloigner de la ville pour aller planter sa tente dans l'un des endroits les plus pittoresques de nos cantons, où il vit heureux comme un seigneur, au milieu de cette population honnête et paisible. Plutôt ciel que plus grand nombre de citadins imitassent son exemple. Parmi les cultivateurs à l'aise du canton, il ne faut pas oublier de mentionner M. Charles Gagnon, l'un des fondateurs de la colonie et l'un des hommes les plus actifs et les plus dévoués de cette partie du pays. Somme toute, Disraeli est un poste d'avenir et nul doute qu'il ne devienne un jour un nouveau Beaconsfield. 6 Jean, 1er septembre. Dans la même édition, rubrique Correspondance, on trouve à nouveau le nom de Charles Gagnon, un des premiers colons de Disraeli. Le favoritisme. Monsieur le rédacteur, les voyageurs qui visitent notre nouvelle municipalité ne manquent jamais de s'informer de l'état de la grande route conduisant de Disraeli à Lambton, autrement dit, le chemin de Bull's Head. Les premiers travaux ont été faits, il y a 5 ans, par un des premiers colons de notre localité, M. Charles Gagnon, qui a arraché les bois sur une largeur de 24 pieds. Cela n'a coûté au gouvernement que 100 piastres. Mais vous savez ce que c'est que la politique. L'année suivante, M. Champoux, notre maire, a rencontré M. Picard, notre député, et ils se sont fait les yeux doux, comme chat et matou. M. Gagnon avait fait le tracé du chemin pour rien. Il avait dû aller 3 fois à Québec et ça lui a coûté au moins 70 $, outre la perte de son temps. Qu'a fait M. Champoux depuis qu'il a la surveillance des travaux? Il y a 4 ans, il a eu 400 $. Il y a 3 ans, 300 $. Il y a 2 ans, 200 $. Et cette année, 400 $. Cela fait la jolie somme de 1 300 $ pour 3 000 et demi de chemin, sans compter les travaux exécutés par M. Gagnon. Et cependant, il en faudrait encore autant pour rendre ce chemin aussi beau qu'il devrait être. Où donc étaler l'argent? Comme toujours, en pareil cas, M. Champoux n'a pas oublié son propre chemin et les environs de son moulin, ni ceux de ses bons amis. Mais les premiers colons, ceux qui ont fait la place, on s'est bien donné garde d'arracher une seule racine de leur chemin. Au lieu de dépenser l'argent public dans le chemin pour lequel il a été voté, on le dépense ailleurs, où ça fait mieux l'affaire de ces messieurs. Puis, qui est employé à faire les travaux? Des petits bons hommes qui n'ont pas encore le nombril sec et à qui on donne les mêmes gages qu'aux hommes faits. Il est temps que ça change, si M. Picard veut encore compter sur nous à l'avenir. Qu'il sache que nous ne sommes point moutons. Plusieurs colons, Disraeli, 11 septembre 1883. En terminant, l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, en transition sur Podomatic à l'avenir.podomatic.com, sur Podcast France, partiellement via le numéro guide, partiellement sur Stitcher et chez Radio H2O. Vous nous retrouverez également sur Twitter ainsi que sur Google+. Toutes nos productions audio se trouvent via l'avenir audio.canalblog.com. Et plusieurs d'entre elles sont également sur audiocité.net. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Et voilà, ainsi se termine cette émission hors série du podcast des éditions de l'Avenir. Merci de votre attention et à bientôt.